de l'histoire. Franck Ferrand. Si la vie de Monsieur de Lauzin est aussi extraordinaire, c'est notamment parce qu'elle a pour cadre une cour et des palais extraordinaires. Il faut vous dire que nous sommes là transportés aujourd'hui au cœur du XVIIe siècle et de ce qui restera comme la première cour de Louis XIV, la plus magique en somme. On pense bien sûr à propos de Louis XIV toujours à Versailles, à Madame de Maintenon, à l'époque de Marly et des grands messes à la Chapelle Royale. Mais il y a eu un autre Versailles en quelque sorte. Et surtout, il y a eu l'époque où la cour allait du Louvre à Fontainebleau et de Compiègne à Saint-Germain-en-Laye. C'est à Saint-Germain essentiellement qu'elle se trouvait. C'est la grande époque de Lully, de Molière, des sœurs Mancini, de la duchesse de la Vallière. Une cour qui est encore toute jeune, qui est légère et qui vit dans une atmosphère de franche courtoisie. Et voilà qu'au milieu de cette cour de rêve survient un personnage a priori très négligeable. Il se prénomme Antoine, précisément Antonin, non par de Caumont-la-Force. Il est marquis de, alors ça s'écrit Puy-Guillem, mais ça se prononçait Péguilin à la cour, et il était comte, un jour il sera duc de Lauzin. Pour comprendre ce personnage, pour comprendre ce jeune Péguilin, il faut savoir qu'il part de rien ou presque, en dépit de son très beau nom à rallonge. Il est cadet de Gascogne, qui plus est. On a l'impression de voir le début des Trois Mousquetaires, vous savez. Hein. Il est certes d'une bonne famille, mais il, à une époque où le droit d'aînesse fait tout, évidemment, ce cadet-là part dans la vie avec assez peu de chance. Et il ne faut pas oublier par ailleurs, et ça il faut le dire parce qu'à côté de ça c'est un véritable don Juan, vous allez voir que on compte ses amours au saut des girouettes. Ce personnage n'a pas un physique extraordinaire, c'est même le moins qu'on puisse dire. Tout était dans le feu, nous dira beaucoup plus tard Saint-Simon. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait chez lui une espèce de caractère extraordinaire. Et il ne faut pas confondre jeunesse et beauté, dit-on. Il ne faut pas confondre non plus la séduction naturelle avec toutes les autres séductions. Il a du charme, ce garçon-là. Il a beaucoup de talent, sans doute. Et il a surtout une audace extraordinaire. Il va monter à Paris très tôt. Il a 14 ans. Il est malin, vous savez. Il a tout compris de la vie, Péguilin. Et notamment, il a compris que la chance qu'il avait peut-être de réussir, c'était de se présenter chez le cousin germain de son père, qui n'est autre que l'un des grands personnages de cette première cour de Louis XIV. On est même là encore sous la régence d'Anne d'Autriche. Il se présente chez le maréchal de Gramont, qui n'est pas encore maréchal d'ailleurs. Et alors là, ça c'est extraordinaire, parce que Gramont voit arriver ce gamin de 14 ans, qu'il prend sous son aile, si je puis dire, qu'il va faire éduquer à grands frais comme ses propres enfants, et qu'il va présenter peu à peu à tout ce que la cour de France peut présenter de plus brillant. Et notamment, c'est grâce au maréchal de Gramont, donc grâce à ce lien de parenté, que Péguilin va pouvoir être introduit chez la comtesse de Soissons, qui est une des Mazarinettes, hein, qui est Olympe Mancini. Il va donc devenir un familier de l'hôtel de Soissons, et c'est là qu'en faisant énormément de jeux de mots, d'esprit, en faisant montre sur tout de son incroyable audace en face de Louis XIV, il va finir par séduire ce roi. Il a 5 ans et demi de plus que le roi. Vous savez, c'est exactement cette différence d'âge qui fait que vous pouvez prendre modèle en quelque sorte. Et Louis XIV, disons-le, est stupéfait. Il est épaté par la liberté d'esprit et de comportement de ce jeune homme qui n'hésite pas à être d'une incroyable dureté en présence du jeune roi. Et Louis XIV n'est pas habitué. Vous savez, il est habitué à ce que tout le monde plie devant lui. Et d'un seul coup, il a quelqu'un qui ose lui tenir tête, qui se montre volontiers insolent. Péguilin disait, il faut mener les Bourbons le bâton haut, sans quoi on ne peut conserver sur eux aucun empire. Ce qu'on aurait dit d'un cheval, si vous voulez. Vous imaginez évidemment la tête de Louis XIV. Alors, dans la vie de tous les aventuriers, même celle des pires ambitieux, on trouve des histoires d'amour véritables. Et c'est ce qui va se passer avec ce futur Lauzin, hein, qui s'appelle encore Péguilin. Sa cousine, Catherine de Gramont, hein, donc la fille du maréchal, va épouser le prince de Monaco, Louis Ier de Monaco, personnage, j'ai eu l'occasion d'en parler déjà à ce micro, personnage assez peu sympathique, il faut bien le dire, beaucoup plus âgé que sa femme, complètement myope. Ça va aider d'ailleurs le fait qu'il soit myope, parce qu'au moment où le prince de Monaco quitte la cour de France pour rejoindre son rocher, qui à l'époque est nettement plus étendu qu'il ne l'est devenu aujourd'hui, hein, la principauté de Monaco à l'époque était un véritable petit état, c'est toujours un véritable état, mais aujourd'hui c'est très très resserré. À l'époque c'était un peu plus vaste, évidemment. Et à l'époque donc où le prince de Monaco repart pour la Méditerranée, il emmène avec lui son épouse, et pendant tout le voyage, on raconte, alors est-ce que c'est vrai, vous avez tellement de légendes dans cette ville de Lausanne, mais c'est tellement beau qu'il faut le raconter quand même. On dit que à chaque étape, à chaque relais de poste, on parlera de la poste dans deux jours d'ailleurs, je vous expliquerai d'où ça vient tout ça, à chaque relais, il y avait tantôt un mendiant, tantôt un serveur, tantôt un maître d'écurie qui venait s'occuper des voyageurs, et c'était Péguilin bien entendu qui se déguisait, qui se mettait de fausses barbes, etc. On ferait un film extraordinaire avec ça. Finalement, il n'aura pas le droit d'entrer dans la principauté elle-même, il rentre à Paris complètement effondré, notre jeune homme, il faut bien le dire. Voilà un séducteur qui n'a pas pu pour une fois aller jusqu'au bout de ses ambitions, et vous avez compris qu'elles sont importantes, qu'elles sont tenaces, qu'elles sont extraordinaires, les ambitions du futur Lauzun. Il rentre à Paris et sa joie, c'est le jour où il voit revenir la princesse de Monaco. Elle est en ambassade auprès du roi. La voilà donc qui arrive à Paris. Ce que n'avait pas prévu Lauzun, c'est qu'évidemment, elle est sublime. Elle a ses yeux noirs extraordinaires. Elle est demeure, dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle demeure assez légère. Elle avait déjà séduit Louis XIV autrefois. Eh bien, si vous me passez l'expression, ils vont remettre le couvert, et ça ne plaît pas du tout à Lauzun, enfin à Péguilin devrais-je dire à l'époque, qui manifeste une mauvaise humeur telle que le roi de Guerlas finit par l'envoyer illico à la Bastille. Par l'ouverture de La Nuit Ballet, extrait de la bande originale du film Le Roi Danse, sorti en 2000, avec l'acteur Benoît Magimel. Nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie de Péguilin, futur duc de Lauzun. Eh oui, alors ce Lauzun, ce jeune Lauzun, est un personnage dont vous avez bien compris les deux moteurs essentiels. Antoine, devrais-je l'appeler, comme ça c'est pratique, ça, au moins les prénoms ne changent pas. D'une part, il est d'une ambition absolument démesurée, et vous allez voir jusqu'où va le conduire cette ambition. Parce que ça va aller loin, cette histoire. Et puis d'autre part, et c'est souvent le corollaire d'une ambition déréglée, il a ce culot, il a cette audace absolument phénoménale qui l'a dans un premier temps fait remarquer et apprécier de Louis XIV, mais qui a fini par lasser naturellement. Quand Louis XIV l'a fait mettre à la Bastille, l'a fait conduire à la Bastille, c'était quand même pour une bonne raison. On avait vu Lauzun casser son épée devant le roi, qui pourtant venait de lui donner un commandement important, et dire, je cite, qu'il quitterait plutôt sa charge que de partir, et que sa démission était toute prête, qu'il ne porterait jamais l'épée pour son service. Vous imaginez, est-ce qu'on a le droit de s'adresser comme ça à celui qui deviendra le grand roi, à celui que l'histoire a retenu comme le roi soleil? Ça paraît complètement fou. Alors, Péguilin va se venger, bien entendu, après ses 6 mois de Bastille, il est libéré, bien entendu, et il revient à la cour, et il va... Alors là, c'est assez spectaculaire encore, son comportement, puisque d'une part, il va s'arranger. Vous savez, à l'époque, lorsque la cour se déplace, les courtisans s'assiedaient assez peu, puisqu'en présence notamment du roi, on ne peut pas s'asseoir seul. Les duchesses à tabouret ont droit au tabouret, sinon les dames sont assises sur ce qu'on appelle des carreaux, c'est-à-dire des espèces de coussins qu'on pose à même le sol, et souvent pour se tenir, pour rester droite, elles posent la main sur le sol. Eh bien, il va en profiter, Péguilin, il s'approche de Catherine de Monaco, il n'a rien de mieux que d'enfoncer le talon. On porte des hauts talons à l'époque, assez acérés. Hein. Il lui enfonce sur la main, il l'estropie, hein, littéralement. Elle hurle hurle. Et là, il est bien vengé. Mais il va faire mieux que ça. Parce qu'il aime... Vous savez, aujourd'hui, on parle de canulars. Il aime les canulars, ce personnage. Et il va en monter un tout à fait extraordinaire. Je cite Alain Decaux qui raconte ce qui s'est passé. « Péguilin savait, dit Decaux, que le roi recevait ses maîtresses dans un cabinet dont la porte s'ouvrait sur un couloir dérobé face à un privé. » Un privé, c'est-à-dire un cabinet d'aisance, si vous voulez. Des toilettes, on dirait aujourd'hui. Il y en avait peu à Versailles. Alors, en l'occurrence, il se trouve que Decaux raconte ça à Versailles. La scène s'est passée à Saint-Germain. Enfin, peu importe. Celui-là représentait l'exception qui confirme la règle. Un soir, Lauzun se glisse donc dans ce privé, s'enferme à l'aide d'un crochet, voit par le trou de la serrure le roi qui ouvre sa porte et met la clé à l'extérieur. Donc, le roi est rentré chez lui, il a mis la clé dehors pour que Madame de Montespan puisse le rejoindre, évidemment. Péguilin attend un moment, sort du privé, ferme à double tour la porte avec la clé que le roi y avait placée. Puis il s'empare de la clé, la jette dans le cabinet d'aisance où il s'enferme de nouveau. Peu de temps après, arrive Bontemps, le valet de chambre du roi, et la dame. Ils vont pour ouvrir la porte, s'étonnent de l'avoir fermée et surtout de ne pas y trouver la clé. Bontemps frappe doucement à la porte, personne ne vient. Il recommence plusieurs fois, de plus en plus fort. Enfin, le roi arrive lui-même. Et Bontemps chuchote à travers le battant de la porte. Il dit « Mais la dame est là. Simplement, ils ne peuvent entrer faute de clé. » Le roi affirme que la clé se trouve sur la serrure puisqu'il l'y a mise lui-même. Bontemps cherche la clé à terre, ne la trouve pas. Le roi cherche de son côté. Et voilà les deux amants qui sont chacun d'un côté de la porte. À la fin, racontera Saint-Simon, il fallut se donner le bonsoir à travers la porte et Lauzun, qui les entendait à n'en pas perdre un mot et qui voyait de son privé par le trou de la serrure, bien enfermé au crochet comme quelqu'un qui serait sur le privé, riait bas de tout son cœur et se moquait d'eux avec délice. Voilà le genre de tour dont était parfaitement capable le futur duc de Lauzun. Alors, quand même, il mène à côté de ça une véritable carrière. Il grimpe les échelons. Il est, pendant plusieurs années, ce qu'on pourrait considérer comme le favori de Louis XIV. Capitaine au régiment de Gramont, c'est bien la moindre des choses dans un premier temps, mais comme il se montre bon soldat, c'est Turenne notamment qui en 1658, le remarque à la bataille des Dunes, vous savez, au moment du siège de Dunkerque, il le fait nommer colonel des dragons étrangers, et puis capitaine de la première compagnie des gentilshommes au bec de Corbin, ça c'est une compagnie très prestigieuse parce qu'elle a le droit lors des grandes cérémonies de marcher en avant du roi. C'est ce qui se passera notamment en juin 1660 au moment du mariage de Louis XIV. On voit donc Lauzun marcher devant le roi pour son mariage. Et il est de toutes les grandes batailles et de tous les sièges de la guerre de succession d'Espagne. Courtrai, Lille, Dole. On va même exprès pour lui créer la charge de colonel général des dragons. Ça ne lui suffit pas à Lauzun. Il voudrait davantage encore. Et ce qu'il voudrait lui, c'est la charge de grand maître de l'artillerie, ce qui lui permettrait de faire partie du petit club extrêmement privilégié des grands officiers de la couronne. Alors, cette charge, elle n'existe pas. Mais Louis XIV se dit, après tout, pourquoi pas? Alors il en touche quelques mots à Louvois et lui dit, est-ce qu'on pourrait créer une charge de grand maître de l'artillerie? Alors ça n'arrange pas Louvois, mais en même temps ça pourrait faire ses affaires, parce qu'il ne faut pas oublier que les charges sont, il y a la vénalité des offices à l'époque, hein, donc les charges sont payantes, bien entendu. Louis XIV promet à son favori, promet à Péguilin qu'il lui obtiendra la charge à condition du plus parfait secret. Ça, c'est un trait de caractère de Louis XIV, toujours faire les choses dans la plus grande discrétion. Il n'a pas envie, évidemment, que toute la cour se gausse et d'avoir contre lui énormément de jaloux et de mécontents. Sauf que, évidemment, vous commencez à connaître notre Antoine, il est à peine sorti du cabinet du roi qui commence à se répandre, il raconte ça à un certain monsieur Niert, qui n'a mieux à faire que de se répandre et de courir chez Louvois. Louvois se rend chez le roi et lui annonce que le secret a été éventé. Alors ça, Louis XIV trouve ça exaspérant. Et donc du coup, il ne donne pas sa charge à Péguilin, qui attend et qui demande à Madame de Montespan d'intervenir. Madame de Montespan lui dit « Oui, cher ami, soyez confiant, je parlerai à sa majesté en votre faveur. » Et voilà ce que nous raconte maintenant Saint-Simon. Il nous dit que Péguilin couchait à l'époque avec une femme de chambre de Madame de Montespan, car tout lui était bon pour être averti et protégé, écrit-il, et vient à bout de la plus hasardeuse hardiesse dont on n'ait jamais ouï parler. Parmi tous ses amours, le roi ne découcha jamais avec la reine, souvent tard, mais sans y manquer, tellement que pour être plus à son aise, il se mettait les après-dîners, on dirait nous aujourd'hui les après-midi, hein, on dînait à midi à l'époque, les après-dîners entre deux draps chez ses maîtresses. Péguilin se fit cacher par cette femme de chambre sous le lit dans lequel le roi s'allait mettre avec Madame de Montespan, et par leur conversation, y apprit l'obstacle que Louvois avait mis à sa charge, la colère du roi de ce que son secret avait été éventé, sa résolution de ne point lui donner l'artillerie par ce dépit, et pour éviter les querelles et l'importunité continuelle d'avoir à céder entre Péguilin et Louvois. Il y entendit tous les propos qui se tinrent de lui entre le roi et sa maîtresse, et que celle-ci, qui lui avait tant promis tous ses bons offices, lui en rendit tous les mauvais qu'elle put. Une toux, ajoute Saint-Simon. Le moindre mouvement, le plus léger hasard pouvait déceler ce téméraire, et alors que serait-il devenu ? Ce sont de ces choses dont le récit étouffe et épouvante tout à la fois. Il faut quand même une audace extravagante et même une inconscience, disons-le, pour se cacher sous le lit du roi pendant ses ébats. Et alors du coup, il a entendu ce que disait Madame de Montespan, ce qui fait que le soir, lorsque Madame de Montespan se présente à l'appartement, évidemment, Péguilin s'approche et lui dit « Alors Madame, avez-vous pu parler de moi au roi ?»« Oui, oui, monsieur, j'en ai parlé, et plus que vous ne croyez, etc. » Et à ce moment-là, il s'approche d'elle et à l'oreille, je n'ose même vous dire les termes qu'il emploie, il la traite de tous les noms, dont le pire n'est sûrement pas celui de putachien. Ça vous donne quand même le genre de, vous voyez, le genre d'insulte. Elle est traînée littéralement dans la boue, au point, nous dit la chronique, qu'elle finira même par s'en évanouir. Elle se plaint à Louis XIV, qui réprimande, qui tense assez vertement Péguilin. À ce moment-là, Péguilin se roule par terre, hurle, va casser une vitre, et l'on dit que Louis XIV, dans cette circonstance, a failli une fois n'est pas coutume dans son règne, il a failli perdre son sang-froid. Il était prêt à frapper Péguilin et il a préféré ouvrir la fenêtre et jeter sa canne de peur, dira-t-il, d'avoir à se reprocher d'avoir frappé un gentilhomme. Nous sommes au cœur de l'histoire et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie du duc de Lauzun. Alors vous avez bien compris que ce bonhomme veut aller toujours plus haut, toujours plus fort. Il n'en a jamais assez. Là, il va quand même faire un beau séjour à la Bastille tout de même, parce que Louis XIV en a vraiment eu assez. Mais il finit par en sortir, bien entendu. Et on va, ce qui est toujours incroyable, c'est qu'on dirait qu'à chaque fois, comme pour se faire pardonner l'excès de rigueur où l'avait conduit les emportements et les autres excès de Péguilin, à chaque fois, Louis XIV lui donne de nouvelles charges et de nouvelles fonctions, etc. Il est nommé à des commandements qui sont de plus en plus remarquables. Il devient à la sortie de la Bastille, là, il devient capitaine de la première compagnie des gardes du corps. Bon, tout de même, on se dit il va se calmer là cette fois. Eh bien, non seulement il ne se calme pas, mais il en rajoute. Il va de plus en plus loin, et c'est à ce moment-là qu'il va former le projet le plus invraisemblable qu'on puisse imaginer, puisque il va décider d'épouser. Alors là, tenez-vous bien. Il faut quand même vous remettre d'abord dans le contexte. Il faut vous dire qu'à cette époque-là, les membres de la famille royale, les altesses royales, ne se marient qu'entre elles, bien entendu. Il n'est pas question du tout pour la cousine germaine de Louis XIV d'aller épouser qui que ce soit en dessous du rang de prince du sang. Et même, elle est plutôt promise, soit d'ailleurs au roi lui-même, puisque pendant très longtemps, Anne d'Autriche avait plus ou moins pensé en faire sa belle-fille, avant qu'elle ne fît tirer sur les troupes royales à la Bastille. Bon, ça nous entraînerait trop loin dans l'histoire de la Fronde, mais au moins à un fils de roi, voire même, pourquoi pas, à un souverain étranger. Eh bien non, notre petit cadet de Gascogne se dit « Bon, après tout, c'est maintenant une vieille fille, elle a raté toutes ses alliances, on a essayé de la marier à peu près à tous les princes de l'Europe, ça n'a jamais abouti, eh bien moi, je vais en faire ma femme, vous imaginez ?» Et alors, on se dit « Bon, bah, ça c'est une lubie, c'est un peu comme quand Louis de Funès, à la fin de la Folie des Grandeurs, dit « Je deviens la reine, j'épouse le roi, bon, mais... » Le plus extraordinaire, c'est qu'avec Péguilin, ça marche et ils vont obtenir, quand je dis ils vont, c'est évidemment surtout la grande mademoiselle, plus que lui-même, va obtenir le consentement du roi. Et c'est la très célèbre lettre de Madame de Sévigny à Madame de Coulanges. Vous savez, je vais vous conter la chose la plus étonnante, la plus surprenante, la plus merveilleuse, la plus miraculeuse, la plus triomphante, la plus étourdissante, la plus inouïe, la plus singulière, la plus extraordinaire, la plus imprévue, la plus grande, la plus petite, la plus rare, la plus commune, la plus éclatante, la plus secrète jusqu'à aujourd'hui, la plus brillante, la plus digne d'envie. Une chose qui fait crier miséricorde à tout le monde. Une chose enfin qui se fera dimanche, où ceux qui la verront croiront avoir la berlue. Une chose qui se fera dimanche et qui ne sera peut-être pas faite lundi. Oh, je ne puis me résoudre à le dire, devinez-la, je vous le donne en trois. Jetez-vous votre langue au chien. Monsieur de Lauzin épouse dimanche au Louvre, devinez qui. Je vous le donne en quatre, je vous le donne en dix, je vous le donne en 100. Il l'épouse dimanche au Louvre, avec la permission du roi, mademoiselle, mademoiselle de... Mademoiselle, devinez le nom. Il épouse mademoiselle, ma foi jurée, mademoiselle... La grande mademoiselle, la fille de monsieur, mademoiselle, petite fille d'Henri IV, mademoiselle de... Mademoiselle de Dombes, mademoiselle de Montpensier, mademoiselle d'Orléans, mademoiselle, cousine germaine du roi, mademoiselle destinée au trône, mademoiselle, le seul parti de France qui fut digne de monsieur. On peut dire que madame de Sévigné n'en revient pas. Alors, c'est inouï d'être allé jusque-là. Mais là où c'est très fort, c'est que Péguilin, ayant obtenu le consentement du roi, devrait, et c'était d'ailleurs le conseil que la Montpensier avait donné à la grande mademoiselle, d'immédiatement se marier dans la nuit même, évidemment. Eh bien non, Lauzin va se donner l'incroyable importance de réfléchir encore. Maintenant qu'il a l'accord de sa majesté, doit-il ou non épouser sa cousine Germaine? Vous voyez un peu où on en est. Et évidemment, il se forme un véritable parti. Il se forme, il faut imaginer, le Hourvari, la cour entière est vent debout. C'est une levée de boucliers. Comment peut-on accepter un tel scandale? Et Louis XIV, vous savez, ben, il en a donné un certain nombre d'exemples dans son règne. Du reste, il fléchit quand même assez volontiers, ce roi-là, contrairement à la réputation qu'on a pu lui faire. Et il se dit que, finalement, c'est peut-être une erreur. Alors, il va revenir sur son consentement, vous imaginez, à ce moment-là, pour Lauzin, appelons-le Lauzin, c'est terrible, c'est un camouflet épouvantable, il touchait du doigt l'extraordinaire fortune, et bientôt, ce sera pire que cela. Puisque, et là je passe quelques temps pour vous montrer jusqu'où va aller l'excès de cette existence, au bout de quelques semaines, il est nommé dans la même journée, gouverneur du Berry, donc là on se dit c'est une extraordinaire faveur, et immédiatement il est arrêté et envoyé, pas n'importe où, il est envoyé dans la forteresse terrible de Pignerolles, où moisit depuis 1661 le pauvre Nicolas Fouquet, vous savez. Que va-t-il faire à Pignerolles? Est-ce qu'il s'en sortira? Eh bien, c'est ce que nous allons voir, car vous pouvez croire qu'après tout ce que je vous ai raconté, la destinée de Lauzin est arrivée à son terme. Oh là là, on est encore très loin du terme. Dites-vous que ce monsieur-là vivra jusqu'à 90 ans et qu'il nous réserve encore de très grandes surprises. Bonjour Mathieu Davina. Bonjour. Vous êtes sans doute un des tout meilleurs connaisseurs de la cour de Louis XIV en général, et notamment de cette première cour. Vous avez rectifié une de mes erreurs. Hein. Vous me disiez que la charge de grand maître de l'artillerie existait déjà. On ne l'a pas créée spécialement pour... C'était le duc de Mazarin qui la possédait et qui était tombé dans la plus grande bigoterie et finalement s'est retiré du monde. Et Lauzin briguait évidemment cette grande maîtrise. Lauzin est maintenant les fers au poignet conduit à Pignerolles. Que va-t-il advenir de ce personnage? Encore bien des choses. Nous en profitons également pour préciser à nos auditeurs, Franck, que demain, l'émission au cœur de l'histoire... Oui, nous allons parler d'Yves Saint-Laurent. Exactement. Demain à propos de la sortie de ce film. Et évidemment, c'est une des grandes pages de l'histoire de la mode au XXe siècle que nous feuilleterons. Et aujourd'hui, nous parlons du duc de Lauzin avec votre invité, Mathieu Davina, historien, directeur scientifique du Centre de recherche du Château de Versailles, auteur notamment de Le Versailles de Louis XIV aux éditions Perrin. Alors Mathieu Davina, nous avons laissé ce pauvre Lauzin dans cette forteresse. Il faut imaginer ce que c'est Pignerolles, hein, quand même. C'est une espèce de... vieille forteresse médiévale au cœur des Alpes italiennes, donc aujourd'hui en Italie. Oui, à l'époque, ça faisait partie du royaume. Du royaume italien. Et donc on est vraiment dans les montagnes, quelque chose de froid, de lugubre, d'éloigné de tout ce qu'a pu connaître Lauzin jusqu'à présent. Il y a eu deux célèbres prisonniers dans cette forteresse de Pignerolles. Il y a eu évidemment le masque de fer, oui. Et puis ce pauvre Fouquet, le surintendant Fouquet, qui a été déchu, on sait, arrêté en septembre 1661, jugé, condamné. Le roi a alourdi sa peine, a converti une peine d'exil en peine de bannissement. Définitif, en fait. Et il aurait pu être sauvé, mais malheureusement, le roi a fait pencher la balance pour qu'il aille à Pignerol, et il y est à partir de 1664 jusqu'à sa mort. Dans une espèce de... Alors, on peut pas dire tout à fait de cachot, mais enfin, c'est vraiment très dur, hein, la détention à Pignerol. Et un jour, dans sa grande cheminée, il faut imaginer qu'on a des grandes cheminées quand même, c'est un jour d'été, donc il n'y a pas de feu, je précise, et Fouquet entend du bruit dans sa cheminée, il y a des gravats qui tombent, etc. Et d'un seul coup, apparaît Lauzun, du moins, qui n'est plus Puyguilin, puisqu'il avait vendu il avait vendu sa terre à la fin des années 1660, donc il avait repris le titre de comte de Lauzun dont était le propriétaire son père, et finalement il débarque dans la chambre de Fouquet, qui est très étonné de voir ce personnage qu'il avait connu jeune, arrivant à la cour de Saint-Germain, pimpant, puissant, et qu'il retrouve ici à Pignerol. Il est très interloqué de le voir. Alors il y a une scène qui est à la fois tragique et comique, c'est tout à fait magnifique, ça aussi ça ferait, je vous dis que cette vie de Lauzun ferait un film incroyable, c'est que le surintendant Fouquet ne croit pas un mot de tout ce que lui raconte Lauzun, parce que quand Lauzun finit par lui raconter qu'il a carrément eu l'autorisation du roi pour épouser sa cousine, c'est-à-dire que Lauzun effectivement arrive, et alors il avait creusé, en fait il est depuis quelques années, des prisonniers avaient commencé à creuser un tunnel souterrain, et il arrive et il raconte tout ce qu'on a dit au début de cette émission, c'est-à-dire cette ascension spectaculaire, ses charges, ses nombreuses charges, lui qui était un cadet, on a dit c'était le troisième fils d'une famille, donc peu de chance d'avoir. Et finalement, effectivement, il arrive là parce qu'il a osé porter les yeux sur la grande mademoiselle, et que finalement, Madame de Montespan, qui était un petit peu irritée contre celui qu'on a dit être son premier amant, finalement, il arrive et là, vraiment, Fouquet est interloqué, le prend pour un dingue. Il le dit, mais il dit c'est pas possible, comment il veut avoir des informations sur le sujet, et finalement, ils s'avéreront véridiques. Véridiques, c'est incroyable. Alors, Lauzun va rester 10 ans emprisonné à Pignerol, ça va nous laisser le temps de revenir, si vous le voulez bien, un petit peu en arrière, parce que ce qui me fascine le plus, moi, puis on verra ensuite tout ce qu'il a fait, parce que sa vie est loin d'être terminée, hein, je précise. Mais ce qu'il y a d'intéressant dans cette première partie de sa vie, dans les relations qu'il a avec Louis XIV, c'est que ça nous en apprend beaucoup sur le jeune Louis XIV. Nous avons toujours l'image de ce monarque, de ce grand roi, auquel plus personne n'ose se confronter de près ou de loin, mais quand il était jeune, c'est encore un être assez malléable, qui s'est laissé un petit peu mener par le bout du nez, il faut bien le dire. Complètement, en fait, Lauzun appartient à cette première cour qu'on appelle la cour galante, et c'est vrai que Versailles, on a l'idée de Versailles de 1682, où on s'imagine que c'est après toujours la fête. Basculement du règne. Finalement, voilà. 1682, qui sera la date de la libération de Lauzun, lorsqu'il reviendra à Versailles, ça n'aura plus rien à voir avec ce qu'il avait connu dans les années 1660. Et c'est vrai qu'ils ont une relation particulière, ces deux hommes. On pourrait dire, je t'aime, moi non plus, c'est-à-dire que Louis XIV affirme sa souveraineté, mais en même temps, lorsqu'il affirme sa souveraineté, il revient à récipiscence et lui donne une autre charge. On l'a vu dans tous les cas de figure. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il le punissait pour quelque chose, eh ben, il lui disait que finalement, il lui avait quand même donné sa parole. Et donc, il voulait quand même lui offrir autre chose. Donc, on a ici un rapport que Patrick Dandré, dans une de ses récentes études, a qualifié de favori, mais d'amour contrarié. Alors non pas, il n'y a aucune chose sensuelle, mais on a une complexité, il le rapproche de parce que c'était lui, parce que c'était oui, moi. C'est ça. Il y a un effet un de miroir lien. Un peu. Ah, voilà, tout à c'est fait. Comme si Lauzun jouait le rôle de grand frère auprès de Louis XIV, qui est l'aîné lui-même, hein, il n'a qu'un petit frère. Et donc, on a l'impression que Louis XIV admire ce personnage pour tout ce qu'il ose faire, et notamment pour ses conquêtes féminines. Voilà. Hein. Il a les conquêtes féminines, et il a surtout ce côté extraordinaire. Le duc de Saint-Simon, qui est son beau-frère, hein, même s'ils ont près de 50 ans de... Oui, parce que alors, ce qu'il faut dire, c'est que très âgé, oui. Monsieur de Lauzun épousera la belle-sœur de Saint-Simon, oui, qui a 14 ans. Oui. Et le duc de Saint-Simon, qui a laissé des dizaines et des dizaines de pages sur ce personnage romanesque, le connaissait parfaitement bien, puisque à la fin de sa vie, il le verra quotidiennement. Et ce personnage devait amuser Louis XIV. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui osait des choses que lui-même ne pouvait pas faire. Et donc, on a ici l'admiration de Louis XIV, jusqu'à un certain point. À un moment donné, il va se rappeler qu'il est le roi et il est obligé de sévir. Mais c'est toujours à contre-cœur, et c'est parce que, on l'a vu avec la grande maîtrise, c'est non pas parce qu'il voulait faire plaisir. Il ne voulait pas faire plaisir à Louvois, parce qu'il se contrefichait que Louvois se querelle avec Lauzun. Ce qui l'embêtait, c'est que le secret avait été brisé. Pareil pour les autres charges, il y a toujours une raison qui le fait redevenir roi, et ça, c'est. On voit en fait la construction du personnage royal de Louis XIV à travers Lauzun. Et Lauzun entre donc à Pignerol tout début des années 1670. Quand il en sort, on est au début des années 1682. Et là, effectivement, tout a changé. La cour s'est rigidifiée en quelque sorte. L'autorité de Louis XIV est devenue totale, absolue. On ne rigole plus, si vous me passez l'expression, à la cour de France. Et lorsque Lauzun rentre alors à Versailles, puisque la cour s'est installée à Versailles, il est complètement sidéré par ce qu'il voit. Exactement. Et en fait, il a obtenu cette libération. La grande mademoiselle l'a payé cher. C'est-à-dire que Louis XIV, dans les années 1670, à partir des années de 1670, a eu plusieurs enfants avec Madame de Montespan, dont l'aîné, le duc d'Humaine, ce petit duc d'Humaine que Lauzun avait emmené à Madame de Maintenon secrètement, alors qu'il était capitaine des gardes du corps. Donc on voyait déjà une charge de confiance en 1670. Et il arrive en 1681, à la fin de l'année 1681, il a obtenu son élargissement, ce qu'on appelle parce qu'il n'a pas le droit de revenir tout de suite à la cour, grâce à la grande mademoiselle qui lui avait cédé, alors qu'elle elle s'apprêtait à l'épouser, non seulement la principauté de Dombes, le comté d'Eu, des grandes terres, Saint-Fargeau, etc. Et elle était obligée de revenir sur sa parole pour les offrir au duc d'Humaine, pour doter ce jeune duc d'Humaine, et l'aîné des enfants légitimés que Louis XIV a eu avec Madame de Montespan. Et la Montespan est là une fois de plus à manœuvrer dans l'ombre pour... Et la grande mademoiselle, ça sera un cercueil, parce qu'elle est obligée de revenir sur sa parole pour Lauzun. Et finalement, il reviendra à la cour. Alors, le roi le recevra froidement, mais il sera quand même reçu à la cour. Et c'est vrai qu'on est dans une toute autre époque que celle qu'il a connue. Alors, le plus étonnant, c'est qu'il va finir quand même par l'épouser, sa grande mademoiselle. Alors là, c'est secrètement. On a effectivement des présomptions. Alors, oui, on n'a pas la présomption. Oui, c'est vrai. C'est comme le mariage du roi avec Madame de Maintenon. Donc on ne sait pas s'il l'aura épousé, s'il ne l'aura pas épousé. En tout cas, c'est vrai qu'ils seront très proches. Mais il y aura quand même des nombreuses querelles où la mademoiselle de Montpensier reviendra dans ses mémoires sur finalement dira pique-pan à la fin sur ce duc de Lauzun. C'est Frédéric Lenormand, notre ami Frédéric Lenormand, qui avait troussé une comédie assez réjouissante sur ce sujet qui s'appelle Mademoiselle se marie. Ça a été quand même le grand événement de la vie mondaine, si l'on peut dire, des années 1670-1680, cette histoire d'alliance. Alors, que devient Lauzun après? Parce que, comme je le disais, on est loin d'être au bout de son existence. Et alors, en 1681-82, il revient donc à Paris, puis progressivement à la cour, sans aucune charge. Et finalement, comme il n'a pas le droit d'être à moins de deux lieues de la cour, il joue beaucoup à Paris. Et finalement, il reviendra même dans la cour de Monsieur, le frère du roi, qui le recevra à Saint-Cloud, au Palais Royal à Paris, où il jouera, parce que Monsieur est un grand joueur. Et on se rappelle pourtant que c'était Monsieur, le prince de Condé, qui avait empêché son mariage. Néanmoins, il va gagner beaucoup d'argent, surtout... sa sœur, Madame de Nogent, avait réussi à conserver ses intérêts et donc il est quand même relativement riche. Il passera en Angleterre une première fois en 1685 avec l'autorisation du roi pour aller jouer également auprès de la cour de Jacques II. Et finalement, son grand fait d'armes sera ce sauvetage, entre guillemets, de la reine d'Angleterre au moment de la grande révolution de 1688. C'est que l'Angleterre, un siècle avant la France, est en pleine révolution, 1688. La reine d'Angleterre est en grand danger. Et qui va venir? Quel est le chevalier blanc qui va voler à son secours et la ramener avec lui en France, d'ailleurs? C'est toujours Lauzun. C'est Lauzun qui repart en Angleterre et obtient une autorisation pour la ramener par Calais. Et elle reviendra avec le jeune héritier, le futur Jacques III, l'héritier présomptif des Stuarts. Et là, le roi sera quand même un petit peu bluffé. Et surtout, il ne voudra pas, du moins, on parle d'une lettre de la reine d'Angleterre au roi, parce qu'elle n'osait pas se présenter à Saint-Germain avec Lauzun, parce qu'elle connaissait l'interdiction qu'il avait à se présenter au roi. Et finalement, le roi acceptera de recevoir Lauzun. Il récupérera ses entrées, ces grandes entrées, c'est-à-dire le pouvoir de rentrer dans les appartements du roi au moment, tous les moments auxquels il le souhaite, mais finalement il ne retrouvera jamais véritablement cette complicité qu'il avait avec le roi. Néanmoins, il sera logé à Versailles, on le trouvera des appartements, chose exceptionnelle, il faut bien le dire, à Versailles, normalement, pour être logé à Versailles, il faut avoir une charge précise auprès de l'un des membres de la famille royale. Lauzun n'en aura plus, mais il sera quand même logé à Versailles. Alors ce personnage de roman est, ne l'oublions pas, un cadet de Gascogne. Hein, alors on ne peut pas dire un petit noble, parce qu'il est quand même d'une très grande famille, mais enfin, il aurait dû mener l'existence assez classique d'un militaire, on va dire. À la limite, il aurait pu s'illustrer dans le métier des armes, mais pas tellement de plus. Il est devenu le favori de Louis XIV. Il a épousé la cousine germaine du roi. Il a sauvé la reine d'Angleterre. D'ailleurs, il va être fait chevalier de l'ordre de la Jarretière. Oui. Tout à fait. Il reçoit les grands ordres anglais. Et il aura quand même une blessure, toujours dans sa vie. C'est celle d'avoir dû rendre sa charge de capitaine des gardes du corps du roi, qu'il a été obligé, puisqu'il n'a pas voulu démissionner. Donc, on l'a démis en 1673, pendant qu'il était à Pignerol. Et toute sa vie, il regrettera charge. D'ailleurs, il s'habille toujours comme s'il était Toujours. C'est-à-dire que, alors, il prend soin, il est sur le fil du rasoir, parce qu'il ne peut pas, il y a des lois somptuaires, où il ne peut pas, évidemment, arborer l'habit à galons des capitaines des gardes du corps, mais il fera toujours en sorte que ça y ressemble énormément, et ça sera son grand malheur de ne plus l'être, même si à 80 ans, il philosophe sur cette charge où il dit qu'il n'aurait plus assumer sa charge, puisqu'évidemment le capitaine des gardes accompagne le roi en permanence, il est derrière lui pour le protéger. Alors évidemment, on imagine mal le duc de Lauzun à 80 ans essayer de protéger le roi si jamais quelqu'un se jetait sur lui. J'ai toujours à l'esprit la couverture d'un des deux tomes du grand manuel de Daniel Roche sur l'histoire des institutions de l'ancienne France, où l'on voit justement ce portrait extraordinaire d'Antonin de Caumont, qui est le duc de Lauzun maintenant, et qui porte tous ses ordres de décoration. Hein, il est impressionnant dans son extraordinaire ostentation. Oui, mais c'est le courtisan parfait abouti, voire le favori. Alors, on peut beaucoup évoquer ce terme de favori. C'est très compliqué de définir la notion de favori, surtout sous le règne de Louis XIV, même si on le retrouve parfois. On a tendance à mettre sous ce terme généralement une notion militaire où on est capable de lever une parentèle des vassaux derrière soi. Là, on parle de favori parce qu'effectivement, Louis XIV a été complètement bluffé par ce personnage et envoûté par ce personnage qu'il admirait certainement. Dans un instant, nous voyons comment et dans quelles circonstances est mort Monsieur de Lauzun. Et puis, nous allons en profiter, si vous le voulez bien, Mathieu Davina, pour revenir sur un certain nombre des clés qui permettent de comprendre la cour de cette époque. Morricone sur Europe 1, un extrait de la bande originale du film Vatel avec Gérard Depardieu et Uma Thurman. Vous nous parlez, Franck Ferrand, cet après-midi dans Cœur de l'Histoire du duc de Lauzun avec votre invité Mathieu Davina, historien, directeur scientifique du centre de recherche du château de Versailles, auteur notamment de Le Versailles de Louis XIV aux éditions Perrin. Alors vous me disiez à l'instant, pendant cette musique, Mathieu, que ce matin même était paru dans la célèbre revue Les Cahiers Saint-Simon, hein, qui est une revue d'érudition très pointue remarquable d'ailleurs, autour de l'univers du duc de Saint-Simon, de ses extraordinaires mémoires, un article sur la singularité même de Lauzun, c'est ça ? Exactement, un article de Patrick Dandré qui s'appelle « La singularité de Monsieur de Lauzun », où il fait une très très bonne analyse stylistique des vingtaines, voire des trentaines de pages que Saint-Simon a consacrées à son beau-frère, où il explique en fait de savoir si... À son vieux beau-frère. Voilà, où le but est de savoir, de comprendre si la singularité, terme qu'utilise le duc de Saint-Simon pour en parler, pour parler de Lauzun, si elle est due à un phénoménologique ou alors si c'est ontologique, c'est-à-dire de savoir tout simplement si Lauzun est singulier comme toute la galerie de portraits que fait Saint-Simon, mais ça va au-delà de ça, c'est-à-dire s'il est d'une essence à part, ou s'il est d'une essence à part, et surtout s'il est extraordinaire. Et en cela, il voit aussi surtout l'incessabilité du personnage. Il échappe aux règles, aux caractères que Saint-Simon a l'habitude de décrire, et donc est-ce qu'il est singulier et donc insaisissable. Mais justement, Saint-Simon arrive fait ses débuts à la cour, il est présenté, comme on dit, en 1691, c'est-à-dire dans une cour qui est vraiment la cour finissante du crépuscule, du règne du grand roi, dans une cour qui est parfaitement polissée, parfaitement encadrée, où chacun sait exactement, ou à peu de choses près, la place et le rôle qui sont les siens. Et évidemment, pour Saint-Simon, ça doit être très très compliqué d'essayer de comprendre ce personnage qui, lui, est l'émanation même d'une toute autre cour, encore une fois, qui était une cour juvénile où les formalités étaient beaucoup beaucoup moins observées. Il y a vraiment une ambiguïté en fait avec ce personnage, parce que Saint-Simon en dresse un portrait qui est antinomique. Tantôt il le glorifie, tantôt il le minimise. Donc chaque fois qu'il donne une qualité, il donne un défaut, et il est dans ce rapport en fait un petit peu père-fils, comme l'a noté Patrick Dandré, dans la mesure où le père de Saint-Simon lui-même a connu une ascension spectaculaire de favori de Louis XIII. Et donc, le duc de Lauzun lui rappelle inconsciemment, vraisemblablement, son père et cette ascension spectaculaire. Donc ça lui met en miroir une ascension qui n'est pas logique. Alors j'ai dit tout à l'heure que Lauzun avait 5 ans et demi de plus que Louis XIV. On sait que Louis XIV est mort très âgé pour l'époque, à 77 ans. Eh bien néanmoins, Lauzun va lui survivre et lui survivre un certain temps, puisqu'il connaît toute la régence à partir de 1715. Il ne mourra qu'en 1723. Et à la fin de la régence. Ouais, c'est donc ça. Il meurt à 90 ans. Il meurt presque au début du règne de Louis XV. Hein, oui, disons-le. Il est dans le règne de Louis XV. Mais il vit jusqu'à la fin de la régence. Personnage extraordinaire, 90 ans. Une de santé robuste qui... Alors, on raconte qu'à la fin de sa vie, il continuait à faire ce qu'on appellerait, je sais pas, des farces, je disais tout à l'heure, des canulars. C'est l'homme du canular, Lauzun. Il a passé son temps. Il y a quelqu'un qui va d'ailleurs lui ressembler un peu de ce point de vue sous le règne suivant. Ce sera le duc de Fronsac qui devient duc de Richelieu et qui va faire ça aussi beaucoup, qui s'amuse à faire des niches, à monter des histoires, à se cacher derrière des paravents ou sous des lits, etc. Mais le très vieux monsieur de Lauzun, il a 89 ans, il a ses héritiers, évidemment, qui sont là. Et il les fait entrer dans sa chambre un jour où il va vraiment très mal, et il y a autour de lui un certain nombre d'hommes de loi. Il a fait exprès de donner à cette scène tout le prestige requis. Et alors, d'une voix complètement enchevrotante, il fait approcher ses héritiers. Il leur dit: écoutez mes enfants, j'ai commis tellement de péchés dans ma vie, vous savez, j'ai bien sûr une très grande fortune, parce que il faut quand même dire que toutes ces charges qu'il a accumulées lui ont rapporté pas mal d'argent, et puis qu'il a bénéficié d'une partie de la fortune de la grande mademoiselle. Ça n'est pas négligeable, ça, malgré les années de prison, etc. Peut-être grâce, d'ailleurs, aux années de prison. Bref, il leur dit: vous savez, toute cette immense fortune, vous attendez, mais je suis un très très vieux monsieur. La seule chose, c'est que j'ai commis tellement de péchés. Je crois que ce serait peut-être pas mal que je fasse don de tout cela à des œuvres charitables. Et alors, il voit ses héritiers qui se défigurent, qui se décomposent devant lui. Ça l'a beaucoup fait rire. Évidemment, il n'avait jamais eu l'intention de donner quoi que ce soit à les déshérités. Mais c'était juste pour le plaisir de voir leur tête, en fait. Hein, oui, il sera farceur, on l'a vu notamment avec le fait de se cacher sous le lit de Madame de Montespan. Même pour l'histoire de Saint-Germain, où il était caché dans le privé, il faut savoir qu'à chaque fois, c'est avéré. Hein, c'est-à-dire que c'est raconté par le Saint-Simon, donc on disait que c'est son jeune beau-frère. Mais bon, on peut se douter que Lauzun a peut-être aussi grandi ses exploits, glorifié ses exploits auprès de Saint-Simon. Néanmoins, ça a été avéré, parce qu'au moment, en 1671, où il était envoyé à Pignerol, ses papiers sont fouillés et on retrouve en fait les sommes d'argent qu'il avait données aux femmes de chambre qu'il s'était gagnées pour rentrer dans les appartements privés du roi. Oui, donc c'est-à-dire que vraiment on n'est pas seulement dans la légende. On a tendance à croire devant une vie tellement invraisemblable. Ouais, encore, on en a passé des anecdotes et des épisodes, parce qu'il y en aurait tellement à raconter. Notamment, la période la plus intéressante, je crois, c'est celle de Catherine, de la princesse de Monaco. Hein. Là, il est vraiment très amoureux et ça le conduit à faire ce qu'on appelle les 400 coups. Mais vous nous dites que nous avons, sur un plan tout à fait historique, des confirmations de ça. Complètement. Ouais, et qui sont confirmées non seulement par Saint-Simon, mais également par les mémorialistes de l'époque. Primé Visconti les évoque, l'abbé de Choisy les évoque, et là, ce sont des contemporains des faits. Vous avez écrit, vous, évidemment, parmi d'autres ouvrages, un ouvrage qui s'appelle « Le Versailles de Louis XIV », où vous nous racontez tout le Versailles de Louis XIV. Alors certes, en partie à partir de 1682, c'est-à-dire de l'installation de la cour et du gouvernement, mais vous nous expliquez bien qu'il y a eu, avant, un Versailles de plaisir, le Versailles de devoir. Tout à fait. Et c'est ça qui est important pour comprendre aujourd'hui Versailles, c'est que Versailles, qu'on imagine figé, n'est absolument pas figé. Le Versailles de la première partie du règne de Louis XIV dans les années 1660 est une cour galante, une cour nomade. C'est le palais des plaisirs, c'est le palais du divertissement, c'est le palais privé, c'est l'endroit des fêtes, c'est l'endroit où Louis XIV emmène ses maîtresses, où il emmène sa famille, où il joue le gentilhomme qui invite à titre privé. Donc on est dans une résidence en plein essor et qui finalement, à partir de 1682, date de la libération effective de Lauzun, a totalement changé, où tout est figé, et là on est dans un des divertissements contraints qui régneront jusqu'à la fin du règne de Louis XIV en 1715. Le Versailles de Louis XIV par Mathieu Davina, c'est évidemment publié, réédité en tout cas chez Tempus, la collection de livres de poche des éditions Perrin. Il y aurait toute une grande bibliographie à vous faire sur cette époque qui a tellement, tellement fait couler d'encre. Je citerai évidemment la biographie de Jean-Christian Petit-Fils, également chez Perrin, Lauzun ou l'insolente séduction, tout est dit, c'est vraiment ça. Sur l'épouse, enfin putative, on est quasiment sûr quand même qu'elle a finalement été son épouse. Pousse sur la grande mademoiselle, un très beau livre de Sophie Vergne qui s'appelle « Les Frondeuses, une révolte au féminin » sur cette période extrêmement agitée, hein, des années 1643-1661, entre la mort de Louis XIII et la prise de pouvoir effective de Louis XIV, avec une préface de Joël Cornette, ça c'est aux éditions Champvallon. Et puis, hier, nous avons beaucoup parlé d'Encore, j'ai évidemment cité le bel ouvrage de Jean-Claude Claude Simoen sur les civilisations disparues. Je vous ai conseillé le dictionnaire amoureux de la Chine, mais j'ai oublié, et c'est très dommage parce que c'est un ouvrage passionnant, c'est Temple perdu, sous-titré « Et Henri Mouhot découvrit encore » de Claudine Le Tourneur-Dison. C'est aux éditions du CNRS et c'est justement sur cette extraordinaire expédition de Mouhot dont nous avons parlé hier et qui est un peu passée à la trappe de l'histoire. C'est dommage quand même. Alors, vous avouerez que c'était d'autant plus dommage de ne pas vous citer cet ouvrage « Temple perdu » donc aux éditions du CNRS. Merci beaucoup Mathieu Davina. Vous repartez pour le centre de recherche du château de Versailles. Merci. Sur quoi travaille-t-on en ce moment au centre de recherche? Alors, on a un grand programme quadriennal sur l'étiquette pour essayer de définir ce qu'on croit connaître finalement. L'étiquette, c'est-à-dire le protocole de cours, mais qui est un protocole non écrit. Et la difficulté est de comprendre véritablement l'adéquation des grands textes normatifs avec la réalité quotidienne de la cour. Oui, parce qu'on la connaît cette étiquette, on s'amuse, elle nous paraît exotique aujourd'hui, mais elle avait un véritable rôle, politique. Une fonction politique, une fonction sociale. Elle n'était pas seulement faite de futilité, c'est le moins qu'on puisse dire en vérité. Donc le but est vraiment de comprendre ce système très complexe qu'on croit connaître, mais finalement qui est assez insaisissable. Et puis je signale, Mathieu, puisque vous avez participé à cette émission, que nous sommes en train, pour France 3, de réaliser un numéro de L'ombre d'un doute sur Versailles, qui sera diffusé là, bientôt, au printemps, et au cours duquel nous aurons l'occasion de revenir justement sur ce que vous avez évoqué, mais alors vraiment à mots couverts tout à l'heure, c'est-à-dire le mariage de Louis XIV et de Madame de Maintenon. Il y a d'ailleurs un numéro de L'ombre d'un doute qui sera diffusé demain soir et qui sera consacré, celui-là, à Florence. Dans un instant. instants sur Europe 1, vous répondrez Franck Ferrand à la question de Laurent qui veut savoir d'où vient l'expression « l'an de grâce ». Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Laurent qui nous l'a envoyé par mail sur Europe 1.fr et qui voudrait savoir d'où vient l'expression « l'an de grâce ». Eh oui, en l'an de grâce 1589, d'où vient cette expression ? Eh bien, cette expression « l'an de grâce », d'abord, elle est assez pratique dans la littérature classique puisqu'elle désigne les années de l'ère chrétienne. C'est-à-dire quand vous dites « en l'an de grâce 920 », ça veut dire 920 après Jésus-Christ, tout simplement. Alors, assez longtemps, on a associé cette locution à l'Apocalypse. Vous savez, l'Apocalypse de Saint Jean, cette date marquant la fin du règne de 1000 ans du Christ. Ce fameux, vous savez, quand les 1000 ans seront accomplis, dit l'Apocalypse, Satan sera relâché de sa prison. Eh bien, on pensait qu'au bout de 1000 ans, on entrerait dans un monde de ténèbres épouvantables et que chaque année gagnée était une année de sursis, en quelque sorte, était un an de grâce. En fait, il semblerait que ça n'ait rien à voir avec ça, puisque l'expression l'an de grâce n'est attesté que depuis le milieu du XIVe siècle seulement, et que vous savez que depuis, on s'est beaucoup penché sur cette question de l'an 1000 et des terreurs de l'an 1000, et on s'est rendu compte qu'en vérité, l'an 1000 n'a pas été aussi terrible qu'on l'a cru. On a largement exagéré le mouvement de panique qui se serait emparé de toutes les sociétés européennes à l'époque. En vérité, il semblerait même qu'un très grand nombre de nos ancêtres aient franchi l'an 1000 sans s'en rendre compte et sans du tout le vivre mal. Alors, d'où vient donc, à partir de là, cette expression de l'an de grâce, si ça n'est plus un an de sursis, n'est-ce pas, si ce n'est pas une grâce qu'on accorde? Eh bien, c'est peut-être tout simplement une formule chrétienne pour désigner ces années de l'ère de l'incarnation, c'est-à-dire les années qui suivent la naissance de Jésus-Christ. On considère que depuis la naissance de Jésus, eh bien chaque année de plus est une année de grâce, tout simplement. Et voilà l'origine. Vous savez, on dit aussi, on emploie beaucoup l'expression Anno Domini, qui est abrégée AD dans les textes, pour désigner de la même façon les années qui concernent notre ère. Voilà. Donc, il semblerait que toutes les explications que les linguistes aient voulu donner à cette formule, à cette locution l'an de grâce, ne soit pas tellement convaincante et qu'il faille simplement s'en remettre à la grâce de Dieu.